Alors, un livre de Philippe K. Dick, Ce que disent les morts. Alors, c'est une nouvelle, en fait, hein, une nouvelle. Philippe K. Dick, c'est lui qui a fait l'histoire de Minority Report. Et aussi Blade Runner. Enfin, alors, ça s'appelait pas Blade Runner, je sais plus que. Bon, bref. Donc, c'est lui qui est à l'origine de ces films, en fait. En tout cas, ses scénarios, après lui, non. Alors, et d'ailleurs, celui-là, Ce que disent les morts, ça a été. Je crois qu'il était dans le recueil de nouvelles où la nouvelle principale était celle de Minority Report. Alors, il y avait une petite biographie rapide de Philip K. Dick, et ça, il faut que je le mentionne parce que c'est très intéressant. Donc, américain, né dans les années 20, je crois. En 28, peut-être, je crois, il est né. Alors, c'est très récent parce que très vite son père quitte sa mère, donc il se retrouve seul. Sa mère, très dure, il a pas eu beaucoup d'amour, manifestement. Et puis, il va rentrer une adolescence difficile, hein, tout ce que je veux. Adolescence difficile, je trouve pas que ce soit très précis, mais bon, voilà, adolescence difficile. Il va rentrer à l'université de Columbia, je crois. Ou Berkeley, non, Columbia, je crois. Berkeley, je crois que c'est Los Angeles, lui c'est New York. Et il va être exclu pour communisme, c'est intéressant quand même. Donc j'imagine que c'est juste après-guerre. Déjà là, fallait pas être trop de gauche, hein. Avant quand même le McCarthyisme, voilà, c'est pas né de rien le McCarthyisme, hein. Pas né de rien. Alors, donc homme de gauche. Alors qu'est-ce qui va le caractériser? Donc moi je pense trois choses. Homme de gauche. Homme ayant eu un nombre important de mariages, je sais pas combien, 5, 6, en tout cas beaucoup beaucoup d'instabilité, on va dire, officielle, hein, parce que bon, lui c'est juste que c'est officiel, donc je dirais c'est presque, il symbolise l'avènement du divorce comme symptôme de masse aux États-Unis. Et puis la drogue, voilà, la drogue. La drogue qui a conduit finalement à la toxique. Alors je sais pas, drogue, alcool, bon, en tout cas drogue je crois. Qui va conduire à des problèmes psychiatriques. Donc et à la fin de sa vie, il aura des passages par l'hôpital psychiatrique. Et puis des femmes toujours jeunes, hein, à chaque fois. Il a 40 ans, et quand il se remarie, c'est avec une femme de 20 ans. Voilà, donc c'est assez. Ouais, c'est humain, quoi. C'est humain, mais c'est des trois choses quand même. Donc, la politique, les femmes, la drogue. C'est quelque chose de. Bon, les trois grands traits qui permettent de comprendre un peu. Son caractère, un petit peu, quoi. Un peu ses œuvres, sans doute. En tout cas, ça explique très très bien sa nouvelle, là, Ce que disent les morts. Alors, c'est une nouvelle pas très longue, hein, bien sûr, comme souvent les nouvelles, une petite centaine de pages. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est? On est tout de suite dans le bain, hein. Il y a un milliardaire qui meurt, et il va être plongé, un des hommes les plus puissants des États-Unis, et il va être plongé en semi-vie. Alors, il n'y a pas une grande sympathie, hein, pour lui, mais bon. On sait que c'était un. Voilà, on peut pas avoir ce genre de responsabilité sans être un gros salopard. Voilà, l'homme de gauche, quoi. Même si sur la fin de sa vie, il est devenu un peu philanthrope, il a fait la retraite pour certains de ses travailleurs, etc. Alors, c'est dans un futur un petit peu lointain. Donc, dans ce futur lointain, on n'a pas imaginé vraiment Internet. Le portable, pas sous sa forme connue, mais enfin, en tout cas, oui, les communications simples. Et puis, c'est l'hélicoptère qui fait. On traverse le pays en hélicoptère sans grand souci. Voilà, c'est le truc. pas l'air d'être hors de prix non plus. Et puis la fameuse semi-vie, c'est-à-dire que quand on meurt, y a un système de réfrigération où on arrive à mettre le corps dans un état où il peut encore avoir des relations mentales avec le monde extérieur. Monde extérieur, je dirais le monde sensible. Une relation uniquement de communication. Mais c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que a priori ils n'ont pas toutes leurs facultés, mais on peut éveiller l'esprit. On peut éveiller l'esprit des gens qui sont morts, qui sont en semi-vie, pendant par exemple un an en tout. Mais le problème c'est que un an en tout, ça veut dire qu'on peut faire durer ça sur 30 ans. Mais ça coûte cher de faire durer ça. Ça coûte cher parce que il faut s'occuper du corps pendant toutes ces années. Donc, tout le monde ne peut pas le faire. Enfin, en tout cas, pas aussi longtemps. Ce milliardaire-là meurt. Et un de ses attachés, alors son attaché de communication, oui c'est ça, c'est le responsable communication, il va s'occuper du corps. Ce qui est intéressant, c'est que il s'appelle Johnny Barefoot, je crois. Bon. Pieds nus. Barefoot, c'est pieds nus, je crois. Alors c'est intéressant parce que c'est quand même mieux quand on connaît sa biographie un minimum. Barefoot a été engagé par le milliardaire, alors il a occupé une place de plus en plus importante en tant que conseiller en communication, alors qu'il n'avait pas fait d'études. Alors ça, c'est répété. Un monde où on n'a pas fait d'études. Alors c'est intéressant parce que pour les États-Unis n'ont pas, par rapport à la France, en France, il y a le cliché de dire qu'aux États-Unis, contrairement à la France, on n'est pas enfermé, sans diplôme, on peut encore réussir quelque chose. Alors, il n'y a pas aux États-Unis où c'est le pays du « je débarque, je me fais tout seul, si je suis doué, je m'en sortirai ». Bon, en tout cas, Kadik insiste sur le fait que c'était incroyable. Alors peut-être que c'est sa vision du futur qu'il a senti que c'était quelque chose qui augmentait, et sans doute que c'est le cas d'ailleurs, hein. Quelque chose qui augmentait aux États-Unis, la nécessité d'avoir un diplôme pour faire carrière. Et du coup, il est le problème de tous les gens qui sont dans une boîte, un peu comme on a aujourd'hui aussi, hein, tous les gens qui sont dans une boîte sans avoir de diplôme, ils sont un petit peu pieds et poings liés par leur employeur. Parce qu'en dehors de ça, en dehors d'eux, difficile d'être reconnu. Et ça, comment ne pas le mettre en parallèle avec le fait que Dick a été chassé de l'université, et donc, où il faisait de la philosophie, je sais pas si je l'ai dit, et donc il n'a pas pu terminer ses études, alors pour communisme, hein, mais en tout cas, il a dû bien sentir la gêne, ou peut-être la honte, de ne pas avoir de diplôme. Bon, il s'en est sorti, mais... Mais, voilà, ça a dû le marquer. Ça a dû le marquer. D'où ce détail-là. Alors, je vais passer sur les détails, parce que l'histoire, franchement... Autant c'est vivant à lire, c'est prenant, autant j'en tire pas grand-chose après. C'est un peu l'inverse du livre que je viens de lire avant, qui était La petite fille de Monsieur Lin, où on a une impression de vide... Mais au fond, il y a beaucoup plus de profondeur et on en retire une émotion, quelque chose qu'on n'a pas vraiment dans le livre de Dick, où c'est un petit peu vide, quoi. Alors par contre, c'est encore plus prenant, hein, plus d'action. Enfin, pas beaucoup non plus, hein, ça bouge, quoi. On n'est pas, c'est pas le huis clos, quoi. Hein, c'est pas avec deux personnages, hein. Non. Alors, je vais faire simple, hein. En gros, contrairement à tout le monde, on n'arrive pas à rêver, à mettre le milliardaire en semi-vie. Je sais même plus le nom du milliardaire, bon, c'est pas grave. Et donc, il n'arrive pas à communiquer. On n'arrive pas à communiquer volontairement avec lui. Par contre, lui arrive à communiquer avec tout le monde en envahissant les ondes radio. Le signal viendrait de une semaine lumière de la Terre, une sorte de satellite, je ne sais pas, mais en tout cas d'un point qui a une semaine lumière de la Terre. C'est de là que vient le signal. Et le signal du milliardaire, sa pensée, personne n'arrive à l'arrêter. Donc on allume la télé, paf, il y a ce message. On décroche le téléphone, hop. Voilà, la radio, bon, il envahit tout, quoi. Bon, ouais, ok, bon. Et puis, c'est la petite fille du milliardaire qui a été droguée, donc là aussi, il y a encore la drogue, qui devient un peu folle, qui hérite de tout ça. Bon, les luttes de pouvoir, on parle de syndicalisme un petit peu. Donc le milliardaire qui arrivait à très bien contrôler les syndicats. Et on finit par comprendre que c'est elle en fait qui a fait des enregistrements de son grand-père et qui a envoyé un satellite émettre loin de la Terre. Et qu'elle s'est mise avec, elle est en couple avec un candidat aux élections américaines qui avait été poussé par le milliardaire et qui a vu l'investiture de son parti, mais qui avait perdu. Et cette fois, comme elle avait fait, elle veut le faire gagner à nouveau. Bon, enfin, un peu sorti d'histoire. Le point qui est intéressant, si on prend un peu de hauteur, c'est le fait que la manipulation du politique par l'économique, par les manias de l'économie, donc ça c'est un thème, c'est intéressant, c'est bien eux qui font élire, donc ça c'est une sacrée critique à l'Amérique. Autre thème, le parti du candidat du milliardaire là, c'était pas les républicains, c'était pas les démocrates, c'était pas les libéraux. C'était le parti républicain-démocrate, tiré des démocrates. Alors ça, c'est quand même marrant. Hein, moi, je trouve ça assez rigolo. Voilà, les républicains-démocrates. Alors, ça, je trouve ça... ouais, il n'y avait bien qu'un communiste américain pour penser à faire ça. Kif kif bourricot, hein, comme dirait Le Pen, ou les communistes, hein, aussi. Ici, c'est... Bon, entre le PS et l'UMP, bon, pareil. Bon, là, aux États-Unis, c'est peut-être encore plus vrai, en tout cas avec le regard d'un Français. Mais, voilà, donc ça, c'est un peu une blague, et c'est assez rigolo, je trouve ça bien... Oups. Donc, on voit le lien, voilà, entre... le politique, l'économique. L'idée de faire parler les morts après, ça apporte pas grand chose. Ça apporte pas grand chose. Bon là, il y a bien quelqu'un à un moment qui dit oui, bah, qui a les moyens d'ailleurs, et qui dit moi, si quand je mourrais, je voudrais qu'on me réveille un jour par an, tous les 100 ans, histoire de. Bon, mais ça demande beaucoup d'argent justement, mais en tout cas, oui, un jour par an, tous les 100 ans, pour avoir la possibilité de voir ce que devient le monde. Voilà, il n'a pas exploré le thème beaucoup de la semi-vie. Spiritualité, pareil, elle est un peu... La fille qui se drogue et qui est folle, elle est aussi mystique. Et c'est presque sur le même plan, quoi. C'est une droguée, folle, mystique. Donc, là, est-ce que Kadic est exactement dans la mouvance communiste, disons, athée de l'époque? C'est possible. Il y a des références très succinctes à l'Union soviétique qui existe dans un futur lointain. Ils seraient très déçus. Et à Cuba aussi. Et donc ils ont des colonies sur d'autres planètes. Alors, mais ils donnent pas l'impression de dire si. A priori, les relations sont légèrement pacifiées entre les États-Unis, Cuba et l'Union soviétique. Mais il n'y a pas de jugement de valeur positif particulier. Donc il n'y a rien quoi qui permet de vraiment sentir ce que pense l'auteur de l'Union soviétique. Donc la petite fille, je disais, elle a instrumentalisé la voix de son grand-père pour essayer d'arriver à ses fins. Et elle a menacé de mort, vu le pouvoir immense qu'elle pense avoir quand son compagnon sera élu. Elle a menacé de mort tous ceux qui s'opposaient à elle. Du coup, c'est un peu une lutte à mort, là. Et les élections sont dans 2 semaines. Une semaine. Donc les élections sont dans 2 semaines. Maintenant, c'est la course pour savoir si le fait qu'elle inonde les médias avec la voix du grand-père, qui avait un grand prestige, va suffire pour élire, pour faire élire l'homme, son candidat. Bon, et puis en plus, après, si elle est élue, elle compte se débarrasser des mecs là qui s'opposaient à elle. C'était avant Kennedy, tout ça, mais ça sonne très, très américain, effectivement. Alors pour finir, il y a un repas, les mecs se retrouvent là, les opposants à cette femme, ils se retrouvent et ils décident, ils tirent au sort pour savoir lequel va assassiner la femme. Voilà. Et ça s'arrête là. Il a dit ok, je le ferai, c'est tout. Alors, si je voulais y voir autre chose qu'une mauvaise fin, sans intérêt, je dirais que... Peut-être que, donc il faut souligner la fragilité de la démocratie américaine, ça c'est une évidence. Et puis peut-être aussi montrer que, peut-être justifier, justifier, mais... réhabiliter l'assassinat politique, finalement. L'assassinat, du moins, politique dans le... Oui, c'est politique dans le sens où parfois c'est la dernière extrémité, c'est la seule possible. Voilà. Ça pourrait être aussi une des petites conclusions. Voilà. Ce que disent les morts, de Philippe K. Dick. Donc ça se lit bien. C'était toujours amusant d'avoir une vision du futur, sans date d'ailleurs. Sans date, mais qui date de le roman qui a peut-être 40 ans, peut-être, le roman, une quarantaine d'années, au max je dirais 50, au pire au moins, je sais pas, 30 ans. Voilà, donc c'était un roman sympa, une petite nouvelle sympa, mais il faudra que j'en lise d'autres, que je m'arrête pas à ça, c'est pas la plus connue. Et faut pas forcément commencer par celle-là. Bon, sauf si on veut lire un petit livre rapide, et puis voilà, puis il faut bien explorer. On a quand même des liens intéressants avec la biographie de l'auteur. Voilà.